L'agonie, livre 2, chapitre 16. Sous les regards attristés de ma mère, l'aïeule Mesa se faisait très richement vêtir de robes amples, surchargées de broderies d'or et d'une pâle à pourpre, pendant qu'Alexander, maintenant un beau pubère au regard décidé, l'embrassait en une fureur de caresses qu'on eût dit les dernières. Les appartements du gynécée, entrevus par des écartements de portes et de draperies, s'animaient de femmes qu'on vêtait aussi, et des prétoriens, au service de Mamea, aux casques, aux boucliers et aux pilums d'argent, des argiraspides, se tenaient prêts à partir sur le commandement sec de Centurion, faisant sonner sur les mosaïques leur sol de fer à émaux bleus. Et la Gabalus obligeait Mesa à assister, avec Semias, au jeu du cirque, le lendemain de son mariage avec Paula, une veuve de famille illustre, succédant à la répudiée Faustina, épouse du sénateur Pomponius, qu'il fit condamner à mort, et à une Cornelia, à laquelle, ainsi pour Faustina d'ailleurs, il ne toucha jamais. Mamea et Alexander, séparant leur cause de celle de l'empereur, s'étaient refusés à ces fêtes. Et c'est pourquoi, abandonné maintenant dans le palais des Césars, Alexander embrassait l'aïeule, pendant que Mamea glissait secrètement dans son sein une fiole de poison d'Asie, qu'elle boirait avec lui à l'heure du danger, plutôt que de subir les coups ignominieux d'assassins présumés. Des éclats de longues trompettes d'airain et de lithus de cuivre appelèrent les argiraspides, qui coururent, le pilum haut, le bouclier recouvrant le corps en disque blanc. Et, suivant Mesa, dont deux esclaves soutenaient la palla, survinrent, à leur tête Paula, historiée comme un joyau, la face très pâle sous la patte de phare, des femmes et des vierges, d'appartements s'ouvrant de toutes parts en un bruit de porte et un froissement lourd de draperie, qui firent des éclairs à travers les colonnades immobilisées sous les voûtes ajourées de soleil, aux murailles sans levant, rouges et bleues, en des perspectives de nudités à peine esquissées. Elles montèrent dans des litières aux portières de cuir, que, sur leurs épaules carrées, des esclaves noirs à tuniques striées d'écarlate et de vert emportèrent en un balancement qui fit rire joyeusement les vierges. Le cortège allait sortir du palais quand une litière de soie, d'or et d'ivoire, apparut et prit la tête avec Mesa, seule. Semias et Attilia étaient là, portés par de vigoureuses helvètes blondes, se distinguant ainsi des autres litières portées par les noirs. Sur la place extérieure, des soldats attendaient, la javeline à une main, le bouclier de l'autre, et, en des fonds de voix rayonnantes, des cavaliers se dressaient, le casque immobile, les lames de la cuirasse étincelante, entre leurs dents la bride de leur monture, en leurs mains une longue pique à oriflamme et un bouclier rond. Tout s'ébranla. D'abord les joueurs de trompettes et de lithus, adjoints de souffleurs de flûte et de frappeurs de tympanons. Puis les argiraspides, marchant en une régularité décidée, puis Mesa, Semias et Attilia dans leur litière avec Paula, puis les femmes et les vierges, enfin les soldats et les cavaliers. Ce fut une procession bruyante qui s'écoula vers le grand cirque aux triples étages de portique où apparaissaient déjà des têtes de peuple qui applaudissaient. Et la Gabalus accourait de la vieille espérance, dans un char attelé de cerfs qui étonnèrent déjà si fort. Très beau, en sa robe de pourpre pesante aux guillochures d'or, la tête tiarée et la face fardée. Le suivait toujours, fardé comme lui, les yeux peints, les cheveux poudrés d'or, Hiéroclès et Zoticus, ses familiers Murissimus, Gordius, Protogenès, des hommes de joie et des femmes de joie, des prêtres du soleil, Mitré, et un cœur d'individus à toge blanche et couronnés de lauriers, qui, un volumen à la main, s'exclamaient en poètes qu'ils étaient. Effectivement, c'étaient là les poètes, sans les critiques, que Sopiscus, maintenant de la haute familia d'Elagabalus, avait racolé pour exalter la gloire impériale et les faits et gestes impériaux. Désormais à l'abri de la faim et de la soif, bien vêtu et bien nourri, il était présentement très fier, Sopiscus, quoiqu'une ombre se glissât dans sa fierté. L'empereur, voilà quelques jours, l'avait marié à Abara, qui ne lui laissait aucun répit pour ses ardeurs de vieille négresse. Elle était le revers de médaille du poète, n'ayant jamais rien compris à cette fantaisie d'Elagabalus qui avait uni un poète tel que lui à une éthiopienne de cet âge. 16 lustres. Le grand cirque, long de 600 mètres et large de 200, était partagé dans sa piste ovale par la Spina, arête de briques aux deux extrémités formées de 3 pyramides, à unique base hérissée dans sa longueur de l'obélisque d'Égypte, apportée jadis par Auguste, d'une autre plus petite, et de 7 phales, aiguilles couronnées à leur pointe de dauphins et d'autels. La piste était vide, mais des gradins aux portiques entourant les 3 côtés du podium érigé en colonnade, 250 000 spectateurs se plaçaient, qui, en un ouragan de cris, un soulèvement de tête, saluèrent Elagabalus, Mesa, Semias, Paula, Attilia, les femmes et les vierges du gynécée, les familiers et les hommes de joie, les prêtres du soleil, les musiciens et les poètes. L'empereur avec l'aïeul, Semias, Paula et Attilia s'assirent dans le podium que des sénateurs, des consuls et des vestales, blanches, vinrent également occuper. Le ciel, très bleu, découpait en ellipse le haut du grand cirque, et le soleil, qui menaçait d'arder bientôt, faisait un grand angle sur un des côtés, noyé d'un jaune enveloppement. Il s'assit, Elagabalus, regardant le peuple en un calme de bête repue, avec de fréquents regards vers les hommes de joie. Pendant que Paula se figeait dans son rôle d'impératrice, à côté de Semias, alerte, chiffonnant un bout de robe d'Attilia, et de Mesa songeant à son autre fille, seule au palatin, que l'on égorgeait peut-être maintenant. Dans les rumeurs déferlant toujours, elle se pencha vers Semias, qui sourit, nia. « Non, non, je te dis que non, maternité, ta fille te jure que non. » Quelquefois, les spectateurs, en voyant des personnages s'installer autour de l'empereur, suspendaient tout à coup leurs cris. Et l'on entendait du dehors l'énorme marche de la cavalerie commandée par Attilius circulant autour du grand cirque. Il arrivait que quelqu'un jetait sur la spina des écorces de courges et de pastèques, ou même des fruits entiers. C'était alors, dans la piste, l'apparition d'un désignateur à allure solennelle faisant un signe. Des mains se levaient sur le spectateur, qui s'enfonçait aussitôt dans le claquement des coups, et ces coups, se répétant plus loin, couraient sur d'autres têtes, le long des gradins, jusqu'à l'extrémité du cirque, en une rapidité scandée. Des hommes grotesques se dressaient, des nains et des mimes dont la face s'allongeait démesurément et s'arrondissait les yeux. Des gymnastes quelconques, les cuisses à peine recouvertes d'un étroit morceau d'étoffe, roulaient de haut en bas sur leurs pieds et leurs mains, retombaient dans la piste et, poursuivis par d'autres désignateurs, remontaient très vite dans le tremblement du rire général. Enfin, par une porte placée près des écuries, les carcères, les musiciens débusquèrent dans l'arène, et un bruit de flûte, de crotal, de tympanon, de lyre, de clairon, de tambourin, de trompettes et de sistres éclata. Ouvrant une marche de chars, d'athlètes, de chanteurs et de prêtres tonsurés, comme ceux d'Isis, et tiarés, comme ceux de Cybèle, Hiéroclès montait un attelage historié d'or, vêtu non en Jupiter capitolin, comme l'usage, mais en grand prêtre de la pierre noire. Avec la robe syrienne aux manches flottantes, la haute tiara, des joyaux au col et aux poignets, et la face verbignonnée, telle qu'est la Gabalus. Le cortège roula bruyamment dans l'arène. Les tympanons faisaient, au rythme aigu des flûtes, de grasses morsures d'harmonie. Les sistres vibraient dans le plein son des clairons et des trompettes. Et les lyres, les délicieuses lyres, tenues très haut par des mains d'hommes émus, s'accordaient à l'étrange mélopée qu'accompagnaient, avec les tambourins, des battements réguliers de leurs mains, les 250 000 spectateurs. Creva aussi dans l'arène une autre marche de déesses et de dieux de marbre et de bronze, portés sur des civières solides et sur des tensas attelés d'éléphants et de tigres jugulés. Des prêtres brûlaient de l'encens des vases d'or, et les musiciens saluaient le cortège par un air exquis, revenant tantôt lent, tantôt précipité, qui s'acheva en une sorte de saltarelle au terme répété. Les jeux allaient s'ouvrir quand Elagabalus fit un signal. L'on vit descendre cérémonieusement les poètes qui déplièrent leurs rouleaux. Ils s'amincissaient dans le soleil grandissant où n'émergeaient que leurs têtes noires, leurs faces rasées, sauf celle de Zopiscus, toujours allongée de sa barbe pointue sans moustache. C'était un hymne au dieu Elagabalus, maître de l'Empire et possesseur du ciel, par Zopiscus composé, à chaque partie scandée par les groupes de poètes dont il restait le corège. Les spectateurs n'y comprenaient pas grand-chose, mais l'empereur se délectait étrangement, poussant des « oh », des « eh », des « eug », très haut, dans le silence immense, et même applaudissait, coupant le poème, qui s'acheva dans les cris forcenés des lecteurs. « Poète !» une voix ironique et froide, qui frappa en plein Zopiscus. Et, sur un gradin en face de l'empereur, confondu dans le peuple, un homme se leva, qui étendit le bras, ouvrit une main. « Poète !» Plus ironique et froide cette fois, et ironique et froide davantage, elle répéta « Poète !» Zopiscus, clignant des yeux, reconnut Atta, pendant que le cirque riait colossalement. Et ce qui était étrange, c'est que les poètes n'avaient été applaudis que par Elagabalus et ses familiers, par sa mère, par Paula, par Attilia, par ses hommes de joie et les prêtres du soleil. Le peuple désirait rester étranger aux adorations envers l'empereur. Elagabalus, furieusement, cria à Zopiscus, « Quel est cet homme? Je le ferai jeter sous les pieds des éléphants !» Zopiscus ne comprenait rien à la conduite d'Atta, qui, pour braver ainsi l'empereur, devait présentement être bien puissant. et il était puissant, Atta. Plutôt, il se sentait tel, grâce à l'impopularité croissante de la pierre noire. Depuis quelques jours, circulait dans le peuple le bruit d'un égorgement de Mamméa et d'Alexander, vaste crime qui, durant les jeux du cirque, mettrait du sang dans les rues de Rome, dans ses temples, ses thermes et ses palais. Aussi avait-il persuadé les chrétiens qui l'écoutaient à y assister pour semer le trouble, et ainsi déconcerter la Gabalus dont les sicaires présumés attendraient le signal. Sopiscus se dressa orgueilleusement dans sa toge neuve, et, comme Atta l'avait appelé « poète », il lui cria très distinctement « Chrétien !» Il répéta, pendant que des rumeurs éclataient « Chrétien ! Chrétien !» Et il alla se rasseoir, très fier de sa réponse, bien à la tête des poètes, maintenant reposant leur rouleau sur les genoux. Mais Atta se leva de nouveau. « Ce n'est pas pour Antoninus, ce poème, mais pour sa divinité Hiéroclès. Notre empereur Antoninus est Antonina. Antoninus est Antonina !» Et le rire des milliers de spectateurs courut comme une trombe jusqu'à Hiéroclès, qui leur faisait face du haut de son char, arrêté sous le podium. « Aux éléphants ! Aux bêtes ! Aux crocs ! Aux tibres !» exclama l'empereur. Le cirque entier s'émeuvait. Beaucoup, n'ayant rien entendu, criaient, ou en un désordre inouï. Mais de nombreux cavaliers apparurent dans la piste, parcourus au galop pour annoncer les jeux. Hiéroclès, auprès de l'empereur, les chars et les tensas rentrés, il y eut une accalmie. Et la Gabalus jeta un carré d'étoffe blanche dans l'arène. Six chars à deux roues, légers et très petits, attelés chacun de quatre chevaux qui chauvissaient, s'échappèrent des écuries et, rapidement, filèrent autour de l'arène en un bruit doux. On entendait surtout les cris des cochers, des auriges, vêtus de tuniques de couleur, blanches, rouges, bleues, vertes, pourprées et dorées, debout dans leurs chars, appuyées aux rênes attachées à leur ceinture, où un couteau était passé pour les couper en cas d'accident. Cette fois, ils firent le tour de l'arène, tour à tour applaudis par des spectateurs qui se dressaient, en des hurrahs imprévus, quand leur couleur favorite gagnait sur les autres. Les chevaux écumaient, envolés en de la poussière, fouettés par les auriges voilées du soleil qui engloutissaient tout. L'aurige vainqueur, de la couleur pourprée, qui atteignit l'extrême ligne blanche de la course, fila, accompagnée de désignateurs, vers Elagabalus. C'était un beau jeune homme, blond roux, un dace membru, aux yeux violents, qui plut tant à l'empereur qu'il descendit du podium et l'embrassa sur les lèvres. Un grand cri ulula. Et la Gabalus voulut tenir tête aux spectateurs qui lui montraient le poing, les invectivant, les menaçant de la cavalerie, dont on entendait l'énorme piétinement, et sa voix grossissait, comme pour imiter les cris des bêtes qu'il avait fait venir du vivarium. Le cirque se levait encore, lui adressait des gestes obscènes. Alors, et la Gabalus, soulevant sa robe, montra la nudité de ses cuisses, la nudité de son sexe épilé, pendant que d'autres spectateurs, surtout du peuple, lui répondaient en faisant autant. Des femmes s'en allaient, sous le coup d'une terreur folle, devinant bien que ces jeux finiraient par quelque tragédie. Mais d'autres chars couraient, les clairons et les trompettes sonnaient, les désignateurs apaisaient avec des signes, et chacun se garait du soleil sous des pétases à large bord. Cela dura jusqu'au milieu du jour, et la Gabalus n'embrassait plus les vainqueurs, mais il leur donnait de riches vêtements, des coupes d'or et des pierres entourées d'or, des palmes tressées avec des bandelettes de pourpre, des sommes d'argent et des couronnes d'argent. Il avait fait promettre des vivres qu'il fit distribuer aux spectateurs malgré leur accueil. C'étaient des viandes bouillies et des légumes cuits dans des sauces safranées, des fruits venus d'un peu partout, des pains entiers qui volèrent de place en place. Une colossale goinfrerie de 250 000 bouches mastiquant ferme, éructant et crachant en des exclamations, s'élargit des bas gradins au plus haut. Et la Gabalus mangeait aussi. Sa colère passée, il était très gai, allant de Paola aux hommes et aux femmes de joie, embrassant abominablement Hiéroclès et Zoticus, et sans gêne, urinant du podium devant tous. Les musiciens processionnèrent à nouveau, grossiers de jeunes gens qui piquaient des triangles de fer et choquaient vivement dans leurs doigts des morceaux de bois dur, semblables à des tessons. On cessa de manger. Les jeux reprirent dans le souffle d'attention extraordinaire des spectateurs qui virent Elagabalus jeter encore un carré d'étoffe, lequel vola un instant et s'aplatit dans l'arène, tout blanc. Les nains descendirent, courant à se saisir par un pan de leur tunique, mais vainement. Et les mimes, les rejoignant, firent des grimaces effroyables, des grimaces de masques de comédie, jusqu'à un moment où des lutteurs, qui se faisaient frotter de séroma à une extrémité du cirque, pour le saut, la course, le pugilat, la lutte et le jet du disque, les chassèrent de leurs pieds nus, pendant que des gymnastes de fantaisie, accourus, s'enfuyaient en volte des pieds et des mains, pareils à des faucheux sur leurs pattes. Et ces athlètes exécutèrent leur jeu. Les lutteurs se poursuivaient et se saisissaient, s'enlevaient et coulaient leur corps pour émerger plus libres, les bras croisés et le mollet tendu, devant d'autres lutteurs. Les sauteurs faisaient des sauts très courts d'abord, de plus en plus grands ensuite. Les coureurs filaient en éclairs, les cheveux au vent, un brin de sauge aux dents. Les pugilistes se donnaient de grands coups de chirothèque ou de ceste, gants de fer ou de cuivre qui enveloppaient leurs poings. Enfin, les lanceurs de disques se faisaient applaudir au jet de morceaux de plomb qui défendaient l'air en tournoyant et retombaient juste à une limite tracée. Le cirque était très attentif quand Elagabalus descendit et, distinctement, citoyens, moi, divin et auguste, je convie les lutteurs à se mesurer avec moi. Dans l'arène, il retroussa sa robe, les bras sur la poitrine. Un lutteur s'avança, qui, presque sans effort, roula dans le sable. Puis un second, puis un troisième. Les athlètes facilitaient la victoire à l'empereur, qui, bientôt, n'eut autour de lui que des corps se tordant dans le soleil, comme un amoncellement de vaincus sur lesquels il posait ses pieds triomphants. Mais une furie de lutte s'emparait de lui. Il appela les nains, les défia de le rejoindre. On vit cette chose grotesque d'un empereur de 20 ans, poursuivi éperdument le long de l'immense crête par des hommes grands comme une cuisse, des hommes qui avaient une grosse tête ballante, des oreilles flottantes et des pieds immenses sous des jambes et un torse raccourci. Ils couraient et criaient, et quelquefois Elagabalus se retournait et leur envoyait un pied de nez formidable, ou bien levait sa jambe cyniquement. Le cirque n'applaudissait plus, attendant comme un orage qui allait venir. Lassés, les nains s'étaient arrêtés, s'avouant vaincus, quand Elagabalus, qui décidément s'amusait, cria de faire entrer les bêtes. Alors les nains et les lutteurs se sauvèrent vers les ouvertures de l'arène solidement fermées. Ils essayèrent de se hisser au gradin, mais des désignateurs les en empêchèrent. Des cris de tigres et d'éléphants retentissaient, et déjà, vers les carcères, des trompes s'agitaient et des pelages félins ondoyaient, zébrés. Le cirque n'osait ni applaudir ni s'indigner, à la fois charmé de ce développement imprévu des jeux et mécontent de l'empereur qui agissait sans cérémonial aucun, confondait les rangs et surtout ravalait l'empire dans ses courses et ses luttes ridicules. Mais Atta, malgré que risquant sa tête à rebeller les spectateurs, se leva encore, le poing vers Elagabalus. « Le fils d'Avitus, citoyen, veut bien jeter les lutteurs aux bêtes, mais il se sauvera pour ne pas être dévoré par elles. » Piqué au vif, Elagabalus courut vers Atta. Mais un spectateur cria plus loin, « Va embrasser Héroclès, qui est l'empereur, et non toi, bâtard !» De toutes parts, sur tous les gradins, en bas et en haut, sous le podium, sous les portiques, d'autres poings se tendaient, crispés. Les invectives éclataient, et des sobriquets pleuvaient, honteux. On l'appelait Elagabalus, Avitus, le Syrien, Sardanapale, l'impur, le faux Antonin, la femme d'Héroclès, Bassianus, Varius. Il remonta, menaçant de faire évacuer le cirque par les soldats du dehors. Atta le prévint. « Citoyens, allons nous faire égorger par les prétoriens !» Et il sauta dans l'arène, suivi d'une foule dévalante, au moment où on lâchait les tigres et les éléphants. Mais, là-bas encore, des spectateurs roulèrent en avalanche, faisant fuir les bêtes qui disparurent, épouvantés de cet océan d'hommes hurlants. Les désignateurs, un moment opposés à cet envahissement, lâchèrent pied. Les lutteurs se mêlèrent à la foule qui gravit le podium. Alors ce fut comme un évanouissement blanc et pourpre d'Elagabalus, des femmes et des vierges, des consuls, des familiers et des hommes de joie. Héroclès reçut sur la nuque un plat de main inconnu. Rome s'essayait à mordre à l'empereur, et c'était là un coup de dent délicieusement donné, à même dans sa chair perverse, de prostituée et de fou. Des prétoriens accoururent du dehors et frappèrent furieusement les assaillants, dont quelques-uns roulèrent, la poitrine ouverte de coups de glaives et de piques. Du sang coulait, des corps s'affaissaient, et le tumulte couvrait tout. Elagabalus avait disparu, que la bataille se continuait encore entre les soldats et les citoyens.